mon lyrix commence par va le faire enculer. Une âne immaculée, rien pour reculer, force décuplée. Les tarés du hip-hop nous boycottent, soi-disant j'ai pas le bon contact. À part peut-être lorsque leur dent contre les métacarpes de ma main droite. Ou la gauche, peu importe. Écarte-toi si tu veux pas de marque, t'as l'air d'une cloche. Stupide MC, ton style est naze. Cesse de te prendre pour Jay-Z ou Nas. Jette tes baguets, toute ta vieille sape. Arrête de rapper a cappella à l'ancienne sur un beatbox d'un test-rap. Je parle des rappeurs de la dernière heure qui postillent les bras. C'est le même genre que ceux qui se battent pour faire un freestyle. Ou un clash dans une soirée rap comme dans le film d'Eminem. C'est pas le bon exemple pour avoir la Merco ou la BM. Écoute mon son en faux, mets tes bras en l'air si t'es dans un cap. Ou si je te braque avec une arme. C'est pas bien grave, petit, suis tes larmes. Apprécie les styles hors normes. Le crew déjà mort, quelque chose d'énorme. Comme le décès d'un mec en uniforme. Comme une essence dans la maison de cadre, ma firme. Ou de l'essence dans un bidon, quand c'est moi qui tiens la flamme. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Une âne immaculée, rien pour reculer, force décuplée. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Une âne immaculée, rien pour reculer, force décuplée. Porc au micro, hardcore sur ce morceau. Et toi qui fais que parler, moi je te dis papa en culo. 3-4 mon département. Quand t'écoutes mon son, tu dis pensant bien rien ne passe, ce putain de garçon. Et Potter, mon son te claque dans tes dents. Et petit gars, tu croyais quoi ici, si gravé dans les ciments. Interdire ces putains d'MC, ici ou MIC. Je resterai là pendant un long moment. Bande de faux cul. Et toi, le mangeur de cul et toi le concierge, moi je te dis fuck you. Mêle-toi ta vie, regarde où mène ta vie. Pas bien loin, normal, tu t'en mêles, tu sais même plus laquelle est ta vie. J'en place une pour ceux qui font du RAP. Moi je vois plutôt POP pour déraper. Lâche le MIC, essaye le foot pour te rattraper. Peut-être avec ça tu pourras verser, qui sait. Ok, toi qui parles, tu le fais uniquement. Derrière tes rideaux, tes carreaux et mon dos. Peur que je te nique, non. Je débarque sur les rues techniquement. Hardcore sous le beat, subitement. Évidemment, il y aura toujours des mauvaises langues qui parleront. Et pour fermer leur gueule, j'ai chargé le canon. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Une âne immaculée, rien pour reculer, force décuplée. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Je rappe à l'état brut d'un méchant truc de cinglé. Une âne immaculée, rien pour reculer, force décuplée. Mets-toi quatre pattes et bouge sur ce beat, c'est une rappeuse. Trémousse-toi, fais mousser, attends, je te passe le mic. Tu kiffes la viande, t'es une putain de bonne avaleuse. Je suis pas ton crétin de mec, non, je suis ton mac. Mon rap c'est du hardcore interdit pour les pentes qui sont pas dans le truc. Crac comme du bon site, violent comme un uberclut. Ou un putain de cardiaque, un son déclencheur d'émeute. Pour un cardiaque, un électrochoc ou un examen rectal. Pour tous ceux qui ça choque, regarde les films de canal et me foutent la paix. Je suis là pour prendre toutes les payes. Comme un barman et ses putains de bouteilles estampillées Bastis de Marseille. Ici chez Montpellier, c'est plus d'étudiants et de PD. De gars comme nous, qui remettent les choses à leur place. Une dernière précision, gamin, avant que je me casse. Y'a pas d'alcool dans mon verre, pas de porc dans mon assiette. Si tu rappelles ta brute, un son qui te fait mal à la tête. Je rappelle ta brute, un méchant truc de cinglé. Je rappelle